descends d'un peuple digne qui a dominé. Un seul Dieu, pas de pierre, et pour l'éternité. Allah, la longue fera l'unanimité. Une seule race et une seule vérité. La croyance est claire, mais pas dans l'obscurité. Le mal est bien, côtoyer mes projets. Trop de mes frères sont enterrés en terre sainte. Je prie pour ceux que j'aime et parfois même des chrysanthèmes. Quand la mort sème ses graines de plomb sur des corps qu'on bute. Ceux qui tiennent les armes sont forcément des putes. Insultes, contre-pensées, pierres jetées sur des blindés. Protège ta terre si on vient te la voler. Protège ton frère s'il est retourné. Il y a toujours quelque chose à faire pour se rassurer. Censurer le nom de mes ennemis que j'aimerais suriner. Sûrement inné comme mes croyances prosternées vers l'est. Je représente mon peuple et ses tendances qui restent. La plus grosse de mes motivations. On entre dans le combat mais fait de plus en plus attention. Entraîné depuis tout jeune à voir mourir ce qu'on aime. La poudre contre le vent et le plomb contre la pierre. Combien sont morts pour un morceau de terre? Se croyant fort, on sous-estime le fer. Combien de gosses prennent pour exemple leur père? On joue à la guerre, mais ça n'a rien d'un jeu. L'étoile contre la main, un combat bien trop vieux. Personne n'y fera rien, ça se réglera dans les cieux. Mon Dieu, j'ai de plus en plus peur. Tous ces corps qui se meurent, on prend l'habitude de la mort. On jette la faute sur l'autre et personne n'a tort. Moi j'ai choisi mon camp et changerai pas de bord. On joue à la guerre, mais ça n'a rien d'un jeu. L'étoile contre la main, un combat bien trop vieux. Personne n'y fera rien, ça se réglera dans les cieux. Mon Dieu, j'ai de plus en plus peur. Tous ces corps qui se meurent, on prend l'habitude de la mort. On jette la faute sur l'autre et personne n'a tort. Moi j'ai choisi mon camp et changerai pas de bord. C'est le combat le plus ancien qui se nourrit au sein même de la population. Aucun 5 des armes de destruction. On tue les miens et on en parle tous les jours. Personne n'y fera rien, l'oncle Sam n'a jamais tort. Les martyrs se multiplient, on oublie leur mort. Les bombardements s'intensifient, Ariel, je me languis ta mort. Je repense au petit Ali, jamais j'oublierai son corps. Meurtrique, les journalistes photographient en bord de route. Dis-moi sa vie, combien elle coûte. Ça me dégoûte, mais quand bien même ils partiront. Le sang, les morts, les traces, elles resteront. Comme des cicatrices qu'on pensera mais qui resteront. Moi j'y repenserai quand ils enterreront Bush, Ariel et tous ces hommes de front. Et là ma joie remontera du fond. Pour reconstruire la vie de ceux qui en ont pas eu au fond. On joue à la guerre, mais ça n'a rien d'un jeu. L'étoile contre la main, un combat bien trop vieux. Personne n'y fera rien, ça se réglera dans les cieux. Mon Dieu, j'ai de plus en plus peur. Tous ces corps qui se meurent, on prend l'habitude de la mort. On jette la faute sur l'autre et personne n'a tort. Moi j'ai choisi mon camp et changerai pas de bord. On joue à la guerre, mais ça n'a rien d'un jeu. L'étoile contre la main, un combat bien trop vieux. Personne n'y fera rien, ça se réglera dans les cieux. Mon Dieu, j'ai de plus en plus peur. Tous ces corps qui se meurent, on prend l'habitude de la mort. On jette la faute sur l'autre et personne n'a tort. Moi j'ai choisi mon camp et changerai pas de bord. Prends ça en pleine gueule, c'est une carte postale du Gaza. Prends ça en pleine gueule, c'est une carte postale du Gaza.